en fait, le but, du moins la méthodologie des gens de science, à un moment donné, des fois, ils ne traduisent pas tout. Ils n'expliquent pas tout. Pourquoi ? Parce que en fait, ils sont dans l'enseignement. Leur objectif, entre autres, c'est de donner les outils à chaque étudiant en science, les outils nécessaires pour parcourir les livres des gens de science. C'est-à-dire comprendre leur méthodologie, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là, et donc après le travail reste le même pour l'ensemble du livre. Donc c'est pour ça que vous allez voir des fois des shorohat, des explications qui ne sont pas complètes. Pourquoi ? Parce que voilà, le but c'est juste de donner des outils aux étudiants pour qu'ils puissent eux-mêmes après pouvoir lire et faire le travail d'études et de comment ça s'appelle, d'analyse des textes. Alors, yustahabbu al-ikthar fihi min dhikri Allah ta'ala. Il est très recommandé de beaucoup invoquer et de beaucoup faire le rappel d'Allah Ta'ala par at-tasbih. At-tasbih, vous savez ce que ça veut dire? Si vous ne savez pas, vous me le dites, comme ça je traduis. At-tasbih, wat-tahlil, wat-tahmid, wat-takbir. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire ou pas. Bismillah. Dites-moi, parce que ce serait bien que vous sachiez. Ahlan wa sahlan, Célia et Lamia. Katia aussi, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu. Ah, ça y est. Vous savez ce que ça veut dire, donc, les autres sœurs? Alors, at-tasbih, on voit dedans, il y a la racine du mot. Comment s'appelle? Alaykoum salam, hatta barakatou, fatiha. At-tasbih, ça vient du, il y a subhanallah. C'est la louange. La louange à Allah. Non. Attendez. Tasbih, subhanallah. Ouais, c'est ça. C'est la louange à Allah. Après, at-tahlil, c'est alhamdulillah. At-tahmid, non, c'est tahmid plutôt, alhamdulillah. Al-tahmid, alhamdulillah, et takbir, c'est Allahu Akbar. Donc en gros, c'est quand on est à la mosquée, c'est bien de faire des invocations d'une manière générale, et par exemple, pas spécifique à un moment particulier, c'est quand on est à la mosquée. Alaykoum salam, wa rahmatullah. C'est l'IA, mashallah. Akhir, inshallah, Farida, ahlan wa sahlan bik. Donc, al-tasbih, al-tahlil, Tahmid ou Takbir, ce sont des invocations d'une manière générale, c'est-à-dire que quand on est à la mosquée, si c'est l'heure de la prière, on fait la prière. Sinon, au lieu d'aller bavarder comme la majorité des gens font, et c'est du n'importe quoi, on est dans une mosquée pour faire du dhikr ou pour se rapprocher d'Allah. Donc, bon, ça aussi malheureusement, voilà, c'est une stratégie des shayatines. Le but, c'est d'occuper, encore une fois, l'être humain à autre chose que le rappel d'Allah. Donc, quand on est dans la mosquée, on peut juste, par exemple, se poser dans un coin et faire at-tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ou alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. D'accord? Donc, ça, c'est des invocations à faire sans condition particulière. Et le but, bien sûr, c'est de méditer. Donc, pas de faire des invocations comme la majorité des gens font. C'est de dire des choses et de ne pas méditer, de ne pas mettre d'intention et de ne pas chercher à travers cette invocation de se rapprocher d'Allah, malheureusement. وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَذْكَارِ. Et donc, ces invocations sont à faire dans la mosquée. Et d'autres invocations, وَغَيْرِهَا, ça veut dire d'autres invocations. On peut faire d'une manière générale. Après, ça peut être, on peut lever les mains comme on peut ne pas les lever. Parce que encore une fois, malheureusement, encore une fois, c'est ce qu'on voit dans les mosquées. La majorité des gens lèvent les mains, font des invocations, et après ils passent leurs mains sur leur corps, et limite ils font, ils embrassent un peu leurs mains. Enfin, je sais pas d'où ils ont vu, où ils ont lu ces hadiths. Il n'a aucune trace, on n'a aucun texte. Et comme on l'a dit, cette religion, elle a été codifiée et légiférée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on doit faire. Et il y a des choses qu'on n'a pas à faire. Donc... fait comme le prophète comme Allah a dit dans le Coran, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُوذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu par information, enseignement, adoration, ainsi de suite, prenez-le, c'est-à-dire faites ce qu'il vous a dit de faire. Et ce sur quoi il s'est abstenu, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait, qu'il n'a pas dit, qu'il n'a pas validé, abstenez-vous. D'accord ? Donc de faire des choses supplémentaires, ça n'a aucune source. Et la manière dont on se rapproche d'Allah, Allah ne nous a pas abandonnés, comme on s'appelle laissé comme ça, que chacun doit découvrir comment adorer Allah. Au contraire, il a envoyé. En fait, il envoie des prophètes pour montrer aux gens comment adorer Dieu. Verset où Allah dit dans Surat Al-Imran, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. Donc Allah il dit aux gens, il dit au fait de dire au prophète dans le sens qu'il doit dire aux gens, au prophète dit aux gens, قل إن كنتم تحبون الله, ou vous les gens, donc si vous aimez vraiment Allah, فاتبعوني, suivez-moi, c'est-à-dire suivez ce que j'ai fait, ce que je vous ai laissé comme sunna. Et ensuite, si la personne, le musulman, occupe son temps à faire justement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ou a dit, ou nous a recommandé de faire, à ce moment-là, dans la suite du verset, Allah il dit quoi ? Une fois qu'on a accompli ces choses-là, yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum. À ce moment-là, une fois qu'on va être sur cette rectitude, à ce moment-là, Allah nous aimera et il nous pardonnera nos péchés. Pour apprendre justement comment adorer Dieu, comment on le fait si on n'apprend pas notre religion ? Comment on va savoir tout ça si on n'apprend pas ? Et après, qu'est-ce qui se passe ? Ben, on va faire des choses qui n'ont aucune source, aucun texte, et que, justement, malheureusement, ben, est-ce qu'Allah accepte cet acte-là ou pas ? Voilà. Donc ça veut dire que peut-être qu'on va se fatiguer toute notre vie à faire des choses en pensant qu'Allah aime cette action-là. Alors que donc c'est très important d'apprendre sa religion et de se conformer à ce qu'il a fait et de s'abstenir de ce qu'il n'a pas fait. Donc, وَيُسْتَحَبُّ الْإِفْكْسَارُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. Donc, toutes les invocations d'une manière générale sont à faire dans une mosquée. Donc, il ne faut pas oublier, encore une fois, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, depuis qu'on a commencé ce livre-là, c'est qu'il y a tout un comportement, une manière à suivre dans l'adoration et dans le suivi. Donc, quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'on fait, comment s'appellent les ablutions, de quelle manière on les fait, qu'est-ce qu'on doit dire après les ablutions, après il y a la prière, après. Et donc là, on est dans le chapitre où, les invocations qu'on doit faire dans la mosquée. Et ensuite, on va voir les invocations qui vont suivre en fait tous ces actes-là. Donc, c'est bien de les réunir tous et de les faire. Et justement, à un moment donné, ben, on va sentir cette proximité ou le fait qu'on alhamdoulillah, on chemine. Et donc, les invocations, d'une manière générale, sont à faire. Ensuite, autre que les invocations qui sont mentionnées, et donc par rapport au fait de lever les mains, c'est pas obligatoire, c'est pas recommandé, il n'y a pas de texte concret qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il invoquait Allah, il levait les mains. Donc c'est bien de le faire très rarement, mais pas de le faire tout le temps, d'accord ? C'est pas parce que les gens font des choses que c'est inscrit ou c'est prescrit. D'accord ? Donc il y a toutes les invocations donc d'une manière générale. Ensuite, on a la lecture du Coran. Donc tout ça, ce sont des adorations. Donc là, de beaucoup réciter le Coran. ومن المستحب فيه قراءة حديث رسول الله. Et ce qui est aussi très recommandé, c'est de lire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la mosquée ? C'est des invocations d'une manière générale, la lecture du Coran, la lecture des hadiths, et la lecture aussi du fiqh, la science du fiqh. Parce que justement, avant les mosquées, c'était des endroits où il y avait l'enseignement. La mosquée, c'est là où à la base, normalement, il y a les prédicateurs, les enseignants, les savants, les imams qui donnent des cours dans les mosquées. Parce que là, ça fait partie des invocations, ou ça fait partie des adorations. D'accord ? Parce que en fait, en apprenant à le faire, par exemple, la jurisprudence, ben, on va apprendre qu'est-ce qu'Allah il aime, qu'est-ce qu'Allah il aime pas, les conditions, les annulations, qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qui est préférable, et ainsi de suite. Et l'ensemble des sciences religieuses, comme la langue arabe, comme la, le tafsir au Coran, comme hibd al Coran, ahkam al tajwid, tarikh, l'histoire de l'islam, comment on s'appelle, les hadith, la science du hadith, le fiqh, la jurisprudence, les fondements de la jurisprudence et avant tout, bien sûr, l'aqida, la croyance. Les preuves sont dans le verset qu'on va citer par rapport à tout ce qui a été apporté jusqu'à maintenant, ce qui a été dit, dans Surat Al-Nur, la Surat de la Lumière, où Allah dit « Fi buyutin adina Allahu » dans les dans les maisons où on invoque Allah, turfa'u wa yudhkaru fiha ismuhu, on l'évoque et on élève, enfin par l'évocation ou le fait de faire beaucoup de dhikr, on élève son nom. Wa yusabbihu lahu fihi bil ghudwi wal asal, et il l'invoque en ceci bil ghudwi wal asal, c'est-à-dire dans l'ensemble de sa vie, dans l'ensemble de sa journée, dans l'ensemble de la nuit, et ainsi de suite. Il y a un autre verset, wa qala ta'ala wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Et celui qui vénère ou qui donne de l'importance aux prescriptions, à la législation d'Allah, fa innaha min taqwa al-qulub, ça fait partie de la piété du cœur. Celui qui fait ça, inshallah, ou qui est dans cette voie, c'est, ça montre sa piété. Wa qala ta'ala wa man yu'azzim hurumati llahi fa huwa khayrun lahu. Et celui qui vénère les interdits d'Allah, c'est-à-dire qui vénère, qui respecte et qui se tient droit devant les interdits d'Allah, fa huwa khayrun lahu, c'est bien meilleur pour lui, 'inda rabbih, vis-à-vis de son Seigneur. Ensuite, on va voir les ahadiths. Rawayna an Burayda radiallahu anhu qala, il a été rapporté, donc Rawayna, c'est qu'il a été rapporté. Et là, on est dans un livre qui traite généralement des ahadiths. Et l'imam al-Nawawi est un savant du hadith, entre autres. Donc, il a dit, il a été rapporté de Burayda. Burayda, c'est un compagnon, étant donné qu'on a la mention juste après radiallahu anhu. Radiallahu anhu, c'est qu'Allah l'a gré. Donc ça veut dire que il faisait partie des compagnons. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innama buniyat al-masajid lima buniyat lahu. Les mosquées ont été construites pour ce pour quoi elles ont été construites, c'est-à-dire le rappel d'Allah. رواه مسلم في صحيحه. Il a été rapporté donc dans le صحيح de l'imam al-Muslim. وعن أنس رضي الله عنه. Il a été rapporté de Anas. Anas est un compagnon aussi. Il a été rapporté de Anas رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي الذي بال في المسجد. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit concernant un arabe, un bédouin, qui avait pissé dans la mosquée. Inna hadhihi al-masajid la tuslahu li shay'in min hadha al-bawli wa la al-qadri wa innama hiya li dhikri Allah ta'ala wa qira'ati al-Qur'an aw kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rawahu Muslim fi sahihih. Il a été rapporté donc dans les sahih de l'imam Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce bédouin qui avait pissé dans la mosquée que cette mosquée ou les mosquées n'ont pas été faites pour ceci, c'est-à-dire de faire ses besoins. Par contre, elles ont été faites, elles ont été créées pour le rappel d'Allah et la lecture du Coran. Donc là, on voit que l'expérience, l'avis qui a été donné au départ, yustahabbu al-iktharu fihi min dhikrillah, qu'il est recommandé, il est très fortement recommandé de faire le dhikr dans la mosquée. Et là, on voit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui confirme donc la parole du shirk. C'est pas qu'il confirme, c'est qu'à travers ces hadiths, où à travers les versets, les gens de science tirent des règles ou établissent des règles. Al-Faslu. Je vais voir si c'est intéressant de lire ça. Wayan bari lil jalis fil masjid ayyanwi al-i'tikaf fa innahu yasuhu indana walaw lam yamkuth illa al-khutbati bal qala ba'du ashabina yasuhu i'tikaf min dukhul al-masjid marran wa lam yamkuth fayanbaghi lil marra aydan ayyanwi al-i'tikaf liyusal liyahsali الفضله عند هذا القائل والأفضل أن يقف الخطبة ثم يمر وينبغي للجالس فيه أن يأمر c'est pas très important comme j'ai dit l'objectif des cours c'est de donner des quelques petites notions et après pour les sujets qui sont un peu plus approfondis on verra avec le temps de Inch'Allah il nous facilite et qu'on arrive à tenir le rythme donc voilà on s'arrête ici Inch'Allah. Et le prochain sujet, c'est Babu Inkarihi Wada'ihi ala Mayyan Shudu Balatan fil Masjid Awyabi'u Fihi. Donc après, on va voir le sujet qui concerne le fait de ne pas, sur celui qui chante des anachides, des chants religieux, et de la vente dans la mosquée. D'accord. Donc on s'arrête ici, Inch'Allah, pour ce sujet-là. Et on commence le livre de Fiqh. Le livre de Fiqh, on avait fait l'introduction. Je ne me rappelle plus. Non, excusez-moi, je me suis arrêté. Alors. Non, mais tout ça va aller. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله donc je sais pas si vous vous rappelez on avait vu dans le livre de Fiqh la jurisprudence pour vous donner des termes assez simples la jurisprudence c'est en fait tout ce qui sera rattaché aux actions du serviteur c'est-à-dire la purification la prière et tous les sujets qu'on avait cités détaillés dans ce livre ou dans les autres livres de jurisprudence. Donc le cheikh entre autres il a tiré ce livre là de d'autres mashayikh. Mais ce qu'il faut savoir c'est que ces livres là sont c'est pas les premiers, ce sera pas les derniers aussi inchallah. Et c'est un livre parmi tant d'autres et alhamdoulillah c'est un livre assez simple d'un point de vue compréhension. Parce que le cheikh, à la base, avait fait ce livre-là pour sa famille, ses enfants, pour que ça soit assez simple à l'apprentissage. Et en voyant la baraka et que ses étudiants ont souhaité, approfondir dans ce sujet-là, ce livre, et de l'étudier et de l'expliquer. Et c'est pour ça que, alhamdoulilah, il voit le jour, ou il a vu le jour. Alhamdoulilah, qu'Allah récompense le cheikh et tous ceux qui ont participé à sa transmission. Amin. Qawluhu. Donc, on avait vu, c'était quoi Al-Fiqhu. Al-Fiqhu, je vous avais dit, pour ce livre-là, ça serait bien que vous ayez un cahier et que vous preniez quelques notes. D'accord. Ça va vous permettre d'avancer tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Et lorsqu'on approfondira dans d'autres livres du Fiqh, encore une fois, à condition qu'Allah nous facilite et qu'il nous permette de rester ferme, Inch'Allah, on va étudier d'autres livres, bi'idhnillah. Alors, قوله ويجمع قواعد. Donc le fiqh, c'est une science. أي في علم الفقه la science du fiqh هو من أفضل العلوم. C'est une des meilleures sciences. وأجلها بعد علم التوحيد et la plus honorable après la science du tawhid. La science du tawhid, elle est rattachée à la croyance. La science du tawhid, c'est une science qui est rattachée directement à Allah. وَقَدْ اِخْتَارَ شَيْخُنَا et notre cheikh a choisi حَفِظَهُ اللَّهُ هَذَا الْعِلْمَ لِفَضْلِهِ وَالْحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ. Il a choisi donc ce livre, ce sujet, par justement que c'est un c'est un c'est une c'est une science, une science c'est une science nécessaire pour les gens. Donc il a choisi ce livre ou ce thème et il a décidé de le mettre aux mains des musulmans du fait de son importance et du besoin des gens. وكاد لأنه قد ألف وعمل وعلم ودرس هذا العلم في المساجد ومعاهد إعداد الدعاة في مصر وخارجها. Donc là on avait expliqué, mais bon, vu qu'il y a des nouveaux, et en même temps je pense que quand on avait fait le début de ce livre là tout le monde n'était pas présent. وكذا لأنه قد ألف وعمل وعلم ودرس هذا العلم في المساجد ومعاهد إعداد الدعاة. Donc parce que il l'a écrit, il l'a appliqué, وعمل, donc il l'a mis en pratique, وعلم, il l'a enseigné, ودرس, il l'a étudié, هذا العلم, cette science, dans les mosquées et dans les centres ou les instituts ou les universités. Et il y a eu plein de savants et de prédicateurs qui sont sortis, comment ça s'appelle, avec un diplôme à la suite de l'étude de ce livre-là. فنسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناته يوم القيامة. Donc ensuite, le cheikh a fait une invocation qu'Allah fasse en sorte que cette œuvre soit comptée dans les bonnes actions du cheikh le jour du jugement. والفقه لغة, la science du fiqh dans la langue arabe. Comme je vous l'ai expliqué, ce livre ou les livres qu'on essaiera d'étudier avec le temps, inshallah, ça sera une approche académique ou scientifique. Ça veut pas dire que c'est un niveau élevé parce qu'il y a des niveaux. Alhamdoulilah, les savants ont divisé en plusieurs niveaux. Donc là, c'est un livre pour vraiment les débutants. Mais ça va nous donner des outils pour voir comment les gens de science élaborent et écrivent leur livre. Donc on part toujours on commence toujours par al-lughatan, linguistiquement, qu'est-ce que veut dire le mot al-fiqhu? Al-fiqhu dans la langue arabe, il veut dire al-fahmu. Al-fahmu, ça veut dire la compréhension. Ça veut dire que quand on dit quelqu'un qui est un faqih ou on parle de fiqh, ça veut dire la compréhension. D'accord, la compréhension de la chose qu'on va étudier. Donc quand on dit fiqh al-ibadat, la science des adorations, c'est la compréhension de l'adoration et de tout ce qui est rattaché à l'adoration. Fiqh al-lugha, la science de la langue arabe, ça va être pareil. La science du tajwid, ça va être pareil, et ainsi de suite. Wastilahan, et dans la terminologie, oui, le verset qui explique ça, c'est وقالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. Et le peuple de Shu'aib, après à la prédication que Shu'aib a fait, ils ont dit: ô Shu'aib, nous ne comprenons pas ce à quoi tu nous appelles. D'accord? Donc là on voit bien que on a le mot fiqh, nafqahu. Nafqahu, c'est nous ne comprenons pas. Donc on voit bien que le mot fiqh, ça veut dire la compréhension. Wastilahan, dans la terminologie religieuse, c'est-à-dire du shara, de la législation, c'est-à-dire dans le Coran ou dans la Sunna. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ou qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, al-fiqh, ou cette définition, c'est ma'rifatul ahkam al-shar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Donc, istilahan, ça veut dire la compréhension des règles juridiques religieuses par la voie de l'ijtihad, de l'effort, de l'étude. قوله يضبط شوارده يضبط شوارده أي يحكم ويضبط مسائل الفقه. Ça veut dire yadbetu, c'est acquérir les différentes parties أي يحكم ويضبط مسائل الفقه وجمعها في مناول واحد ليسهل حفظها وفهمها. Donc disons, il a été fait sous forme de, on s'appelle d'étapes, enfin sous forme d'étapes et tirer les enseignements essentiels des hadiths et des versets afin que ça soit simple et que l'étudiant en science pourra mémoriser facilement. قَوْلُهُ وَيَجْمَعْ قَوَاعِدُ, c'est qui rassemble les règles. Donc, al-qa'idatu, qu'est-ce que ça veut dire al-qa'idatu? Al-qa'idatu عند الأصوليين, une règle ou la règle chez les juristes, ça veut dire ضابطُ الجامعُ لعدةِ مسائل في أبوابِ منفرقةٍ مثل قاعدةِ البناءُ على الأصلِ. Donc une qaïda, ce sont les règles qu'on va voir qui vont être tirées à travers les versets ou les hadiths qui vont permettre de pouvoir rassembler les règles qui sont rattachées à ces actes-là. Bon, c'est vrai que c'est là, c'est pas très compréhensible parce qu'on ne donne pas d'exemple, mais d'une manière générale, c'est comprendre que ce livre-là, en fait, ou ce qu'il est en train d'expliquer, là, le cher, c'est que comment il a été fait le livre et de quelle manière et avec quel objectif. Donc au fur et à mesure qu'on va avancer dans le livre, on va essayer de voir et d'expliquer en fait ce qui a été voulu dire au départ. Drabeto, les conditions, les piliers, les règles et ainsi de suite. On verra dans des chapitres définis comment ça se matérialise. Donc et la règle dans cette parole al-qa'idatu, donc la règle chez les gens et chez les juristes, c'est de tirer donc les enseignements par rapport au verset ou au hadith, une règle et un exemple al-bina'u 'ala al-asli. Donc le fondement, on construit sur des fondements. Voilà, la construction se fait sur des fondations. Si vous voulez. والقاعدة عند الفقهاء ضابط الجامع لعدة مسائل في باب واحد مثل قوله الاستحالة مطهرة. Bon, je pense que on va rentrer directement dans le livre, comme ça va être plus compréhensible pour vous. Parce que c'est quand même un peu, ça demande quelques petites notions quand même. Parce que ça s'adresse à des étudiants qui ont déjà la langue arabe et quelques petites connaissances dans le domaine du fiqh. Alors là, on commence le chapitre par lequel tous les livres de fiqh, donc de tous les différents courants de pensée et les écoles, bien sûr anciennes parce que contemporaines, c'est du n'importe quoi. Donc tous les livres que vous allez trouver dans le fiqh de la jurisprudence, d'une manière générale, ils vont être tous classés d'une certaine manière et surtout par ordre. C'est-à-dire, avant de commencer chaque adoration, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? En fonction de l'adoration, là on va prendre plus précisément la prière. Qu'est-ce qu'on doit faire avant la prière? Pour faire la prière, on ne peut pas directement mettre son kamis ou son jilbab ou ainsi de suite pour aller faire sa prière. Il y a bien des actes qui précèdent cet acte-là. Et c'est quoi? C'est la purification. Donc on doit faire nos ablutions pour se purifier et pour se tenir devant Allah. Donc, le premier chapitre, c'est Kitabu al-Tahar, le chapitre de la purification. Donc, commencez à écrire, hein, parce que ça va être bénéfique, Inch'Allah, pour vous. Et surtout que c'est des choses qu'on a besoin de tous les jours, et que généralement, on a tous des questions par rapport à ça, surtout dans les débuts. Et en même temps, ça va nous permettre, comme je vous l'ai dit, cette science, d'enlever tous les wasawis, tous les west-west qu'on peut avoir de tous ces shayatines, d'accord? T'as pas fait des ablutions, c'est pas comme ça. Il faut faire deux, il faut faire trois, et ainsi de suite. Et ils nous embrouillent. Et il y en a beaucoup qui sont malades des west-west. À cause de quoi? À cause du fait qu'ils apprennent pas leur religion. Parce que si, au moment où on a on va faire tel ou tel acte, on a un OSOS. Si la personne connaît un peu sa religion, du moins elle a un certain niveau, elle apprend, elle a un certain programme assez régulier, qu'est-ce qui va se passer quand ce OSOS va venir? Eh bien, il va être repoussé par une science, ou un verset, ou un hadith, ou une parole des gens de science concernant cet acte-là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce OSOS-là va se dissiper, va disparaître. Donc, en fait, finalement, c'est quoi? C'est ben, on est plus serein dans nos adorations. Et du coup, ces OSOS, ou du moins ces chayatrines, seront chassés. Donc, la purification. وَفِهِ أَحَدَ عَشَرَ بَابًا. Il y a 11 chapitres, ou 11 points. Les 11 points, on va les citer. Et chaque point va être détaillé, bi'idnillah, et en fonction de chaque point, on aura la parole des savants et le verset à quoi sur quoi il est basé et les hadiths sur quoi il est basé. Ensuite, on va voir l'avis de la majorité des écoles. Et on sait qu'il y en a 4 principales qui dominent, mais il y en a plus. C'est ce qu'on verra parce que le cheikh va sûrement mentionner les avis de certains imams. Encore une fois, là, ce ne sont pas des imams contemporains. Ce sont surtout des imams anciens, mais ça ne veut pas dire que c'est au début de l'islam. C'est des savants qui sont venus tout au long de cette période. Mais voilà, au bout de depuis quelques temps, on dirait à peu près 50 ans, un siècle maximum, la science est devenue corrompue à cause de des gens qui sont corrompus. Bon, alhamdulillah, il reste quand même des gens, attention, je dis pas qu'il ne reste pas des gens honnêtes, sincères, investis impliqués et qu'ils ont le souci de faire les choses correctement et de pouvoir le transmettre aux musulmans. Mais ils sont très rares, malheureusement. Donc, il y a 11 chapitres dans ce... il y a 11 points dans ce chapitre de la purification. Le premier point, c'est Babul Mi'a. Al-Mi'a, c'est l'eau. Non. Si, c'est l'eau, excusez-moi. Donc, le premier chapitre, ou le premier point, c'est Babul Mi'a. Deuxième point, c'est Babul Aniya. Al-Aniya, c'est les récipients. Donc, le premier point, on va voir les eaux, les différents types d'eau, et quelles eaux sont utilisables pour les ablutions, et quelles eaux ne sont pas utilisables pour les ablutions. Deuxième sujet, ça va être Babul Aniya, les récipients. Quel type de récipient on a le droit d'utiliser pour faire nos ablutions? Troisième point, Babu Qada il Hajja. Comment accomplir ses besoins? Quand on va aux toilettes, ainsi de suite, de quelle manière s'y prendre? Et c'est pour ça que vous allez voir que finalement, en fait, tout ce que vous allez apprendre va, on va dire, vous mettre dans un certain niveau de lucidité, de conscience. C'est-à-dire que vous serez toujours, on va dire, conscient quand vous allez vous habiller, quand vous allez rentrer aux toilettes, quand vous allez sortir des toilettes, quand vous allez faire vos ablutions, quand vous allez trucs. Et même vis-à-vis du regard autour de vous. Quatrième point, Babu Siwaki, le Siwak, le chapitre du Siwak, ou le point, ou le sujet sur le Siwak. Cinquième point, Babu al-Wudu'i, les ablutions, le chapitre des ablutions. Donc je ne vais pas détailler à chaque fois, mais vous avez compris qu'à chaque fois quand je détaille qu'est-ce que ça implique ces points-là, c'est ce qui va être détaillé dans ce livre-là. Donc Babu al-Wudu', c'est-à-dire tout ce qui est rattaché aux ablutions, comment les faire, est-ce qu'on les fait une fois, est-ce qu'on les fait deux fois, est-ce qu'il y a un ordre chronologique, et si on ne respecte pas cet ordre chronologique, est-ce que les ablutions sont valides ou pas, et ainsi de suite. D'accord? Sixième point, Babu al-Mashi al-Khufayn. Sixième point, c'est le chapitre sur le fait d'essuyer sur Al-Khufayn. Al-Khufayn, c'est comme les sortes de chaussettes en cuir ou les sortes de trucs qu'on met. On verra dans ce chapitre-là, en fonction des savants, qu'ils ont fait l'analogie avec aujourd'hui ce qu'on porte comme chaussettes ou comme bas ou comme sockets et ainsi de suite. Qu'est-ce qui rentre dans cette condition ou pas? Septième point, Babu Nawaqidul Wudu', les actes qui annulent les ablutions. Huitième point, Babu Al-Rusli, les grandes ablutions, sujet sur comment on fait les grandes ablutions. Neuvième point, Babu At-Tayyamumi, le neuvième point, c'est Tayammum, les ablutions sèches. Comment les faire? Dixième point, Babu Izalatil Najasati. Dixième point, c'est comment enlever une impureté. Onzième point, Babu Al-Hayri. Le chapitre des tout ce qui est rattaché aux menstrues, donc ça concerne la femme. Alors, on va commencer rapidement, mais on va s'arrêter parce que on a déjà bien avancé. C'est de l'introduction. On va faire juste un point sur ce chapitre-là et après on va commencer le livre, enfin on va continuer le livre sur la croyance. D'accord. أولاً باب المئة. المئة. قواعد. La règle. وفيه ضابط واحد. واحد. Il y a un enseignement à tirer. أقسام المئة ثلاثة. Les eaux sont de trois catégories. Première catégorie, tahurun, pur. Deuxième, tahirun. Tahurun et tahirun. Attendez. وهو الذي خالطته طاهر فأخرجه من إطلاق إطلاق إطلاقه وهو الباقي على خلقه وهو الذي خالطته طاهر فأخرجه عن إطلاقه. Oui, donc ça veut dire que c'est طاهرون, c'est qui est devenu pur. OK. نجسون, c'est impur. وهو الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه. Donc on va juste traduire, en fait, vous voyez tout ce que je viens de citer, en fait ça c'est le livre, et ensuite il y a l'explication de ce qu'on vient de citer. Donc, قَوْلُهُ كِتَابُ الطَّهَارَ, c'est ce qu'on vient de lire dans le sujet juste avant. كِتَابُ الطَّهَارَ, le chapitre des eaux, qu'est-ce que ça veut dire? الطَّهَارَةُ فِي اللُّغَةِ. Le mot الطَّهَارَ dans la linguistique, dans la langue arabe, ça veut dire النَّزَاهَةُ. وَالنَّظَافَةُ عَنْ الْإِقْدَارِ. C'est d'enlever et de purifier la chose, l'impureté ou la partie à purifier. D'accord? Paharatu, la purification, dans la langue arabe, ça veut dire enlever, disparaître, faire disparaître et nettoyer la chose qui doit être nettoyée. Dans la linguistique, dans la terminologie de la religieuse, raf'ul hadathi wa zawalu al khabathi, c'est d'enlever raf'ul al hadathu, d'enlever la purification, wa zawalu al khabathi, donc d'enlever l'impureté et faire disparaître, ouais, et la faire la disparition. Zawal, c'est la disparition de cette impureté. Al hadathu, donc là on a vu raf'u al hadathu dans la terminologie religieuse. Tahara, ça veut dire raf'u al-hadathu wa zawalu al-khabath. Et là, on va voir donc al-hadathu. Donc, c'est pour ça que ces livres-là, en fait, ils sont pas en soi compliqués parce qu'en fait, chaque mot qui vont être dit, ils vont être expliqués. Al-hadathu huwa al-wasfu al-qa'imu bil-badani al-mani'u min as-salati wa nahwiha. C'est quoi? C'est une chose présente qui doit être enlevé, c'est-à-dire une chose présente en nous, qui doit être enlevé, min al-salati wa nahwiha, pour l'accomplissement de la prière et autre chose. C'est-à-dire tout ce qui concerne, tout ce qu'on a besoin de, tout ce qui est rattaché après la purification. Al-khabathu, c'est l'impureté. On va s'arrêter ici, inshallah. Comme ça, on va se donner à peu près 10-15 minutes pour la croyance. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, ça va être clair. C'est normal que vous avez l'impression d'être déconnecté ou de ne pas comprendre. C'est tout à fait normal, ce sont des livres de science. Je ne pense pas que vous avez l'habitude d'étudier ou plein de... Attention, je me comprends, c'est pas que vous n'avez pas l'habitude d'étudier, mais ça c'est plus une approche, on va dire, pour les étudiants en sciences. Donc la lecture c'est une chose, là c'est autre chose. Donc avec le temps, Inch'Allah, vous allez vous familiariser. Le minimum c'est de comprendre un point ou de comprendre deux trois petites choses, deux trois notions. Donc si on arrive à avoir 10%, 5%, 20% en fonction de chacun de ses connaissances et de son parcours, alhamdoulillah, c'est une bonne chose déjà. Et avec le temps, vous allez voir, ça va être assez clair et simple, Inch'Allah. Donc là, on va rentrer sur le chapitre de la croyance. Bon, ce livre-là, j'avais fait la photo, mais bon, malheureusement, enfin, pas malheureusement, mais il est en arabe, donc à un moment donné, Inch'Allah, quand Allah vous facilitera, vous aurez comment s'appelle des titres et que vous pourrez, Inch'Allah, continuer votre cheminement, Inch'Allah. On s'était arrêté où? Ilham, je ne sais pas si tu l'as, ce livre. Ou pas. شرط صحة العبادة خامسا فضل علم العقيدة. Moi, j'ai pas marqué. Où est-ce que je me suis arrêté? مهم. Juste un tout petit instant et on commence. السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. إنه يقول قوم. Ah oui, c'est bon. J'ai marqué. Donc, bismillah الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. التعريف على صفات الله وأسمائه ومعانيها. Donc la croyance, un des objectifs, parce que bon, on avait déjà fait quand même quelques passages. Inch'Allah, vous allez pouvoir retrouver la première partie dans le cours précédent. Et là, on continue. Donc, التعريف, du moins, là, on est en train de voir. Donc, on est encore dans le préambule, dans l'introduction. Et on avait vu pas mal d'objectifs, ou du moins les fruits d'avoir une croyance saine et correcte. Entre autres, les fruits, c'est ta'arifu ala sifatillahi wa asma'ihi wa ma'aniha. C'est d'apprendre et de comprendre. Ta'arif, c'est d'apprendre les attributs d'Allah et ses noms et leur sens. Donc le fait d'étudier la science de la croyance, ça permettra au serviteur de mieux connaître son créateur par les noms et les attributs qu'il s'est lui-même attribués dans le Coran ou dans la Sunna. La Sunna, ce sont des hadiths, d'accord? Donc ça c'est le troisième point. Quatrième point, tajnibu al-bid'ah. Elle repousse les innovations. Forcément, quand on va apprendre que Allah s'est qualifié comme ci ou comme ça, on va s'éloigner automatiquement des innovations. Parce que quand une innovation va venir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport au SOS, quand cette innovation va venir dans notre esprit, elle va être automatiquement repoussée. Pourquoi? Parce que vous connaissez. Donc ces SOS ou ces ambiguïtés ne pourront pas pénétrer dans votre esprit et encore moins dans votre cœur. Donc pourquoi apprendre la science de l'aqida? Comme je vous l'ai dit, malheureusement, la majorité des prédicateurs, on voit qu'il y a, c'est pas un vide, c'est le néant. Et du coup, ils nous parlent des branches, les fondements, la continuité en fait l'approche en fonction de ce que le musulman vit et de l'environnement où est-ce qu'il est. Étant donné qu'ils ont une croyance qui est presque absente, forcément, ils vont faire avec le peu de bagages qu'ils ont et du parcours qu'ils ont eu. Et qui n'est pas justement, conforme à la voie de l'enseignement que les gens de science ont établi. Donc, forcément, tout leur développement et leur argumentation est erroné. La quatrième condition, c'est justement ce que on va dire là à l'instant. La première des choses, donc, c'est de repousser toutes les innovations. Trois, ensuite, c'est de repousser ou de pouvoir distinguer les gens, les trompeurs, les usurpateurs, les gens qui prêchent le faux. Donc, la croyance, avoir une croyance saine, c'est que, on va se rendre compte, alhamdoulilah, grâce à Allah, c'est un peu ce que j'essaye de faire, d'apprendre, et ainsi de suite. Et du coup, justement, c'est ce que, quand je vous dis que les prédicateurs, enfin, je m'en prends entre guillemets à eux, c'est ce qui s'est concrétisé, alhamdoulilah, en moi, enfin, quelque part, c'est que voilà, je sais, vu qu'on a appris, on connaît, on sait que ces gens-là, malheureusement, on dit pas que ce sont des mécréants, ainsi de suite, mais ce sont des gens qui, malheureusement, qui connaissent pas la croyance. Parce que tout est rattaché à la croyance. Donc on va voir Allah, bien sûr, à travers cette connaissance, en fait, il va nous préserver de ces gens-là et nous montrer ou démontrer qui prêche le faux ou le vrai, ou qui est entre les deux. فَإِذَا عَرَفَ الْعَبْدُ السُنَّةِ تَجْنِبُ الْبِدْعَةُ. Et lorsque le serviteur apprend et connaît la sunna, si vous avez des questions, s'il y a des sujets que vous ne comprenez pas ou que je m'exprime mal ou c'est trop complexe, n'hésitez pas, c'est fait pour. Enfin, c'est que ça soit accessible. Donc, celui qui apprend et qui connaît la sunna, donc la sunna, c'est tout ce que le prophète a dit, a fait, s'est abstenu, a recommandé, a interdit, et ainsi de suite. Donc, ça repousse l'innovation d'une manière générale. Ça, c'est le quatrième fruit d'avoir une bonne croyance. Cinquième, ittiba' min salaf min ahli al-iman wa hum as-sahabati radiyallahu anhum ajma'in wa at-tabi'un lahum bi ihsan. Donc le cinquième fruit, c'est de pouvoir suivre la voie des salaf. C'est un mot, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, qui fait peur, parce que beaucoup se sont attribués ce terme-là, ils ont fait des dégâts, ils continuent à faire des dégâts. Ittiba' min as-salaf, donc c'est de pouvoir suivre la voie des salafs et des gens de la foi, et qui sont des compagnons. Donc ces gens-là, les salafs et les gens de la foi, ce sont les compagnons et at-tabi'un, et ceux qui les ont suivis. Donc ceux qui les ont suivis, c'est leurs enfants, donc les enfants des compagnons, et ceux qui les ont suivis après, par la bonne foi ou par le bon cheminement. Ça va, c'est compris? C'est clair? C'est clair pour tout le monde? Oui? Non? Taïb, si prononcez pas, c'est que c'est clair, Inch'Allah. N'hésitez pas, encore une fois, le groupe, il est censé mettre une... c'est ce que j'essaye de faire, que qu'on ait un environnement et un cadre dans lequel on évolue, parce que malheureusement, le cadre dans lequel on évolue au jour d'aujourd'hui, c'est plus de l'individualisme c'est un islam égoïste, malheureusement. Et le but, justement, c'est de créer justement un peu de compassion entre nous, de fraternité, et ainsi de suite, et d'échanger entre les uns et les autres. Sixième point, donc encore une fois, c'est les fruits d'avoir une bonne croyance. As-sa'adatu fid darayn fid dunya wal akhira. C'est d'avoir as-sa'ada, c'est la félicité ou le fait de vivre, d'avoir une bonne fin. Ouais, non, la félicité, en fait, c'est la félicité. Après, s'il y a des termes que vous connaissez, qui des traductions qui sont un peu plus parlantes et que vous voulez partager, n'hésitez pas. Sa'ada, donc de vivre, d'avoir une vie saine dans cette dunya et dans l'akhirah. Donc le sixième point d'avoir les fruits, donc d'avoir une bonne croyance, c'est entre autres d'être bien dans cette dunya et dans l'akhirah, c'est-à-dire d'avoir une bonne vie. D'accord. Et la preuve est dans le verset où Allah dit "Man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah." Celui qui accomplit des bonnes actions min dhakarin aw untha, qu'il soit mâle ou femelle, donc homme ou femme, wa huwa mu'min, et en étant croyant. Donc on voit bien que là Allah il a mis la condition de quoi? Les actions, c'est pas par ça qu'Allah y juge. Parce que tout le monde fait de bonnes actions. Le mécréant, l'athée, les autres religions. Taïb, est-ce que c'est suffisant? Non. Pourquoi? Parce qu'Allah a rajouté wa huwa mu'min, tout en étant croyant. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Nous allons certes lui faire vivre une vie saine et sereine. Donc, on voit bien qu'encore une fois, pour que les choses, ou du moins pour que Allah nous écarte toute calamité ou tout châtiment ou toute chose que, par lesquelles on doit être touché, c'est par quoi? Par les bonnes actions. Et en même temps, en étant croyant. Et n'oubliez pas, par rapport aux autres livres qu'on a vus, il y a 3 degrés dans l'islam, ou du moins dans l'islam. Le premier, c'est l'istislam, la soumission. La deuxième, c'est l'iman. Et la troisième, c'est l'ihsan. Donc Allah, il dit là, wa mu'min, tout en étant croyant. Ça veut dire que c'est un niveau au-dessus de l'islam. Et comment on atteint ce niveau? C'est en cheminant vers Allah, en appliquant. Et au fur et à mesure, cette connaissance et cette pratique va être une habitude. Et là, on va passer après à un autre niveau qui est l'iman. Et pareil, on va apprendre, s'instruire, pratiquer ce qu'on a appris. Et, inshallah, on va arriver après un niveau de ihsan. Bon, ça se fait pas, je le dis en 5 minutes, mais c'est un cheminement de toute une vie. Et malheureusement, pour certains, ils n'ont pas n'auront pas la possibilité d'atteindre ces niveaux-là, parce qu'il y a plein de tentations tout autour du croyant. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que le paradis est entouré de al-makari, de choses détestables, des choses mauvaises, des choses qui te repoussent. Et en avançant, te rapproches donc du paradis, comme il a dit, et le mal est entouré de choses facile ou bonne. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas compliqué. Mais à la fin, c'est quoi? C'est une mauvaise fin. Donc, par rapport au fait que pour acquérir ou pour avoir une bonne fin ou une bonne vie dans cette vie et dans l'au-delà, c'est donc d'appliquer des bonnes actions, comme le verset l'indique, et en étant croyant. Et Allah donc nous dit, nous allons lui faire certes vivre une vie sereine et bonne. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et nous les récompenserons de la meilleure des actions qu'ils auront accomplies. Donc dans l'au-delà. Donc là on voit bien qu'Allah il dit, là on voit bien la parole du chouyour, il a dit le fruit ou le sixième fruit de avoir une croyance saine et correcte, c'est d'être serein et d'avoir une vie paisible dans cette vie et dans l'au-delà. Et là, la preuve, elle est dans ce verset. Allah dit, فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً. Nous allons les faire, certes, vivre une vie bonne, donc dans cette dunya. Et après, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ. Et nous allons les récompenser par la meilleure des actions le jour du jugement. Donc dans l'au-delà. D'accord? Tout ça, je prends le temps pour vous faire comprendre que dans les livres, généralement, quand les gens de science amènent des arguments et ainsi de suite, ils sont automatiquement fondés sur sur des preuves du Coran et de la Sunna, contrairement à ce qu'on a encore une fois au jour d'aujourd'hui. C'est que des discours. Donc, faut gratter, faut chercher pour trouver un verset ou un hadith ou la parole d'un compagnon ou des références dans la science religieuse. Donc ça c'est un premier verset pour expliquer, enfin pour apporter à pour soutenir cette parole. Wa qala ta'ala, donc il y a un autre verset où Allah dit wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Celui qui veut la vie dernière et qu'il s'efforce. Il s'efforce et qu'il déploie toute son énergie tout en étant croyant. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Certes, ils seront très fortement, récompensés, où Allah sera très reconnaissant vis-à-vis d'eux. فَالسَّعَادَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مُتَوَاقِفَةٌ عَلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ. Et donc, la, la félicité dans cette vie et dans l'au-delà, mutawaffiqatun, elle est appuyée par la foi. C'est-à-dire d'avoir une bonne foi. Pour avoir une vie saine et sereine dans cette dunya, attention, ça ne veut pas dire que on va pas avoir des problèmes et des épreuves, et ainsi de suite. D'accord? Ça veut pas dire ça. Ça veut dire que Allah va mettre en fond ou dans ton cœur un certain apaisement, une certaine sérénité malgré tout. Pourquoi? Parce que il a fait en sorte que ce monde et tout ce qui concerne ce monde est sorti de ton cœur. Donc du coup, ouais, c'est une épreuve, c'est quelque chose de difficile. Tu vas essayer de te donner les moyens pour supporter et pour passer cette épreuve et faire les causes pour qu'Allah te la fasse, pour qu'Allah te l'enlève. Mais ça ne changera pas ton état. Ça ne te perturbera pas. Ça ne te mettra pas dans des états de tristesse totale, profonde, et qu'on a l'impression que le monde est en train de s'effondrer sur nous. Au contraire, on va être rassuré et apaisé, parce qu'après, il y a plein d'autres informations qu'Allah nous donne, c'est que on sait qu'il y aura une fin. On sait que c'est parce qu'Allah est en train de nous élever. On sait qu'à travers ça, Allah est en train de nous enlever nos péchés. On sait qu'Allah est en train de nous construire notre paradis, et ainsi de suite. Donc finalement, on fera les causes, mais ça ne touchera pas plus que ça. Et finalement, les shayatines, ils ne pourront pas exploiter toutes les émotions ou toutes les actions qui vont pouvoir et qui vont découler de ce que le croyant vit. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne-là est sur Allah, donc Allah ne leur permettra pas autant de pouvoir manipuler les êtres humains. Rabi'an, quatrième point. Nisbatu ilm al-aqida. L'origine de la science de la croyance, la science qui est rattachée à la croyance. Ilm al-aqidatu aslun wa ma siwaha fi ma siwaha far'un idha huwa al-asas li hadha ad-din wa huwa a'zam al-ulum ash-shar'iyyati qadran wa ashrafaha nasaban. Donc la science de la croyance asl wa ma asma wa ma sawahu far'un. Donc la science de la aqida, c'est les fondements, c'est la base que tout musulman doit avoir. Siwahan far'un, en dehors des branches, comme le fiqh ou comme les fondements du fiqh ou comme le hadith ou les sciences du hadith. D'accord? Tout ce que je viens de citer, ce sont des branches, c'est-à-dire ce sont la continuité de cette science qui est l'aqida. Donc ce sont les fondations et les piliers de cette religion. Les piliers de cette religion, c'est la croyance. C'est pas les actions de bien se comporter avec les gens, d'obéir aux parents, de respecter les engagements, et ainsi de suite. Ça, ce sont des branches, ça c'est secondaire. Donc Allah ne regarde pas ce qui est secondaire, il regarde d'abord la base. Si la base est bonne, il continue, il jugera le reste. Si la base est absente, tout le reste, il va le mettre, excusez-moi du terme, à la poubelle. Parce qu'Allah, avec ses actions, le bien qu'on fait, ainsi de suite, on va ni enrichir Allah, ni le rendre plus fort, ni le rendre plus puissant, ni quoi que ce soit. Par contre, Dieu, Allah nous a demandé, ou nous a recommandé une manière à suivre pour comptabiliser nos actions. Et c'est quoi? Ça passe par la croyance. Et c'est le plus... la plus honorable des sciences et la plus valeureuse ou la plus grande. Wa ashrafuha nasaban. Khamisan. Cinquième point. Fadlu ilm al-aqida. Le bienfait de la science de la croyance. Ilm al-aqida fadluhu azim fa huwa. Sa science est grande et immense. Et elle est, première des choses, awwalan al-wajibat, les obligations. Première des choses, c'est les obligations. Awwalu ma yajibu ala al-abdi huwa ifradullahi bit-tawhid. La première des obligations, c'est awwalu ma yajibu ala al-abdu. La première des obligations qui est obligatoire pour chaque serviteur, c'est d'unifier Allah par le tawhid, par l'unicité. Tous ces termes-là, on va les voir avec le temps, inshallah, dans le livre. Donc, at-tawhid, donc c'est l'unicité d'Allah. L'unicité se divise en trois catégories. L'unicité d'Allah dans la seigneurie, l'unicité d'Allah dans l'adoration, l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs. C'est-à-dire, on unifie Allah avec ce qui nous a transmis à travers le prophète et ceux qui les ont suivis, qui nous ont transmis les mêmes choses, intactes comme elles ont été transmises. Allah a transmis à l'ange Jibril, Jibril a transmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis aux compagnons, les compagnons ont transmis à leurs enfants, et ainsi de suite. Donc, cette science est intacte, est restée intacte et restera intacte, bi'idnillah ta'ala, jusqu'à ce qu'Allah yarfa'u ou yarfa'a dinahu, jusqu'à ce qu'Allah élève cette religion, reprend cette religion, du moins il va la faire disparaître après que les grands signes soient passés. Donc, Fa'an ibn Abbas, il a été rapporté de Ibn Abbas, qui est un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anhu, qu'ala, lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, mu'adan, nahwa al-yaman, qu'ala lahu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé Mu'ad ibn Jabal, Mu'ad ibn Jabal c'est un compagnon, quand il l'a envoyé en tant qu'émissaire au Yémen, donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au Yémen c'était une civilisation où il y avait une population chrétienne, c'était des chrétiens là-bas. Il lui a dit, donc il lui a transmis un message, « Innaka taqdumu ala qawmin min ahli al-kitab » Tu vas certes aller vers les gens du livre. Donc, quand tu vas aller dans cette population-là, ceux qui sont là-bas, ce sont des chrétiens. Les gens du livre. Ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidu Allah ta'ala. Donc, il a dit, la première des choses, quand tu vas aller les voir, la première des choses à quoi tu dois les appeler, c'est d'unifier Allah. C'est de vouer un culte exclusif à Allah. Malheureusement, aujourd'hui, on voit que c'est pas le cas. Les gens, est-ce qu'ils appellent à Allah, tout en sachant que tout le monde connaît pas Allah. Faut dire ce qui est. Moi, le premier, j'essaie d'apprendre et justement d'enlever toute cette ignorance et tout ce que le système a semé pendant des siècles et encore au jour d'aujourd'hui. D'accord? Et on voit très bien que toute cette religion et tout ce qui concerne et tout ce qui est articulé autour de cette religion a été déjà établi. En fait, on a juste à apprendre à se servir et appliquer. Là, on voit des gens qui s'aventurent, qui s'avancent dans des manières de faire la prédication, ainsi de suite, alors que c'est catastrophique. C'est tout ce qu'on reçoit d'eux comme information, comme da'wa entre guillemets, que ce soit dans le Jumu'ah et ainsi de suite, c'est comportement, c'est faire comme si, c'est obéir à ce système, c'est se soumettre, faut et ainsi de suite. Bon, je vais passer tous ces détails-là, et ils oublient l'élément principal, c'est d'appeler à Allah. Les gens ne connaissent pas Allah. On a juste à faire le test, hein, que ces imams et les prédicateurs fassent le test. Qui connaît Allah? Bon, je pense pas qu'ils le feront parce qu'eux-mêmes ne le connaissent pas, en fait. Donc, malheureusement. Enfin, quand je dis ils connaissent pas, attention, je parle d'un point de vue dogmatique. Après de connaître Allah, le simple fait de le mentionner, non, ça veut pas dire que tu le connais. On ne parle pas de cette connaissance. On parle de ce qu'Allah s'est attribué dans le Coran et dans la Sunna et de ce que les compagnons ont confirmé, ont affirmé, ont pratiqué et ont transmis. Et c'est ça, connaître Allah, en fait. On connaît pas Allah comme nous, on le connaît, ou comme on veut le connaître avec le pire, c'est vraiment un truc de fou. On voit des orientalistes, des soi-disant spécialistes, ainsi, qui n'ont rien à voir avec l'islam, mais c'est eux qui nous expliquent qui est Allah. C'est vraiment incroyable. Déjà, ils parlent du hijab, que le hijab, ça fait pas partie de la religion, c'est traditionnel, mais c'est, Je vous l'ai dit, Inch'Allah, un T4, on va essayer de le faire, non pas pour rigoler, mais celui qui a, par exemple, des thèmes d'une conférence, ou même si c'est très court, d'un audio qui parle d'Allah, enfin, de ce prédicateur, on va prendre juste un exemple et on va essayer de décortiquer par rapport à tout ce qu'on a appris. Comme ça, on va voir des exemples où on aura une approche pratique de ce qu'on est en train d'étudier et comment ça doit se matérialiser ou comment on doit observer les choses. Vous allez voir, en fait, quand je vous ai dit, quand je vous dis qu'ils ne comprennent pas ce à quoi ils appellent, ben, vous allez le voir, c'est super simple. Hein. Franchement, c'est super simple. Encore une fois, cette religion, Allah, il sait très bien à quel serviteur il allait avoir. Donc, il a facilité l'enseignement. Il l'a pas mis à un certain niveau et qu'il y en a, il y a que certaines, une catégorie de gens qui vont pouvoir étudier. Non, c'est faux. Il y a des sujets qui sont compliqués. Et là, ça sera pas donné à tout le monde, mais le minimum. Et ce que tout le monde doit savoir, Allah, il l'a mis il l'a facilité à tout le monde. Donc, la première des choses que Mu'ad ibn Jabal, quand il a été envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui devait transmettre, c'est an yuwahhidullah. Pourquoi? Parce que les chrétiens, ils adorent qui? Ils adorent Jésus? Ou ils adorent le 3, enfin, je connais, enfin, c'est un peu compliqué leur truc. Je sais même pas comment ils arrivent à se le matérialiser dans leur esprit. Donc, il a dit, la première des choses, c'est de unifier Allah. Fa'idha arafu dhalik, s'ils reconnaissent ceci. C'est-à-dire, s'ils adhèrent à ceci. S'ils acceptent ceci. فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. Donc s'ils acceptent ceci, c'est-à-dire qu'ils attestent et ils témoignent, alors à ce moment-là, dis-leur que Allah leur a rendu obligatoire 5 prières qu'ils doivent accomplir matin, durant toute leur journée, du matin au soir. Donc, ce que Allah leur a prescrit en termes de prière tout au long de leur journée et de leur soirée. Donc là, on voit bien que cette prédication, encore une fois, qu'on a aujourd'hui, qui appelle à la croyance, qui respecte cette manière de transmettre? Personne. Pourquoi? Parce que juste au premier, le premier point de prédication, ils vont être tous mis à dos. Et ensuite, donc, on voit bien qu'il y a une méthodologie le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait à qui il a affaire et de quelle manière on doit appeler les gens à Allah. C'est pas lui qui l'a inventé. C'est Allah qui lui a transmis une méthode, pour transmettre cette religion. Comme Allah l'a transmis au prophète. Allah n'a pas parlé. La prière, elle est venue qu'à la fin de sa vie à la Mecque. Pendant ces 10 années ou ces 13 années, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Allah a envoyé, révéler des versets qui concernent lui, qui le concernent lui, pour enlever cette croyance que les gens ont, et ainsi de suite, parce qu'on sait qu'à la Mecque, à cette époque-là, dans la Kaaba, donc dans le sort de cube noir, pour ceux qui savent pas ce que c'est la Kaaba, il y avait 360 idoles. Donc les gens à la Mecque étaient des associateurs. Donc la première des choses, c'est quoi? C'est de corriger cette mauvaise compréhension, c'est d'affirmer ce que Allah s'est affirmé et d'infirmer ce qu'il a infirmé. Et au bout de ces 10-13 ans, que cette foi est bien ancrée, à ce moment-là, Allah a envoyé Jibril alayhi salam pour qu'il amène le prophète sallam vers lui et qu'à ce moment-là, il lui dise « Tu dois faire la prière et tu dois ordonner à ta communauté de prier de telle et telle manière. » Donc ensuite, il est descendu et il a commencé à prier. Ça ne veut pas dire que la prière n'existait pas. Elle existait, sauf que là, elle a été codifiée et établie à des moments précis dans la journée. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, donc Mu'ad ibn Jabal, فَإِذَا صَلُّوا, donc s'ils se mettent à prier, donc c'est-à-dire qu'ils acceptent cet ordre-là, فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ. S'ils acceptent ceci, dis-leur alors qu'Allah n'aura rendu obligatoire l'aumône, l'impôt annuel, c'est-à-dire l'impôt qu'on prend d'une manière générale. Et il a expliqué pourquoi. يُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ. cet impôt, il sera pris sur les riches et qui sera distribué aux pauvres. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Non, on est en train de dépouiller les pauvres et de rendre riches les plus riches pour qu'ils continuent à dominer, pour qu'ils continuent à soumettre ce monde, les gens, et les écraser. Et d'en faire d'eux des esclaves, finalement. Là, on voit très bien ce qui se passe en ce moment. Par contre, ils sont où les musulmans ? Ils sont où les prédicateurs ? Parce que ça touche quand même des problèmes de société. Enfin, ça touche, c'est un problème sociétal et à échelle mondiale. Et nous, on en fait partie de ce système-là. Qu'est-ce qu'ils nous disent ces prédicateurs ? Rien du tout. Ils sont même pas conscients au courant. Hein. Au contraire, je pense que c'est nous qui devons prendre la relève, en fait, parce que nos musulmans, ils commencent à se réveiller, que ce système se fout de leur gueule, qu'ils les dépouillent, qu'ils sont en train de les rendre encore plus esclaves, et nous, nos prédicateurs, non, il faut qu'on prenne la relève, en fait. Bon, je caricature et je synthétise à ma manière, mais c'est un peu ça, parce que l'objectif des cours, ce n'est pas ça. Mais de temps en temps, de faire des petits crochets pour un peu les démasquer. Encore une fois, de les démasquer, comme je le dis souvent, peut-être qu'ils ne le savent pas, et dans ce cas-là, qu'ils descendent de ce minbar ou qu'ils lâchent ce micro, d'accord, parce qu'ils font plus de mal que de bien, de dire faut faire des allusions comme ça, faut obéir aux parents, mais ok, ça on le fait quotidiennement, mais parlez-nous d'autre chose quand même. Là, on voit bien qu'il y a des gens qui se réveillent, qui évoquent des choses qui sont assez sérieuses, et on voit vraiment que c'est pas du baratin, les gens vivent mal. Il y a un problème, il y a des gens qui sont en train de dominer les faibles. Qu'est-ce que vous êtes en train de... Enfin, c'est quoi, elle est où notre position ? Khair, Inch'Allah. C'est malheureux, hein, franchement, c'est malheureux. Donc, cet argent qui doit être pris aux riches et qui doit être donné aux pauvres. فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ. Et s'ils ont accepté, ils acceptent aussi, s'ils acceptent ceci, c'est-à-dire de la zakat, bah tu récupères cette partie-là. وَتَوَقَّفْ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ. Et ne prends pas. Oui, subhanallah. Allah, celui qui avec le temps, inshallah, il avance, il va voir qu'en fait, ouais, on a lu le hadith, et en fait, au fur et à mesure dans notre cheminement, on va les revoir, et en fait, au fur et à mesure, Allah, il va nous faire comprendre d'autres choses. Et là, en fait, il lui a dit, ne prends pas de leur présent, de leur cadeau. Pourquoi ? Ben, pour qu'ils ne se corrompent pas. Pour qu'ils ne trouvent pas de moyen de le corrompre et à ce moment-là de commencer à trafiquer, de commencer à manipuler et à dominer les gens finalement. D'accord ? Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, c'est un des moyens par lequel ils tiennent certaines personnes qui ont une certaine place dans la société, dans n'importe quel domaine. La corruption, c'est un moyen par lequel tu tiens des personnes ou des gens. Parce que tu as des dossiers sur eux, parce que il y a des choses assez graves sur eux. Et donc ces gens-là, même si à un moment donné ils veulent se retourner, ainsi de suite, voilà. Donc Inch'Allah, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que ça a été profitable pour vous. On verra par la suite les autres sujets. On est encore dans l'introduction, dans le tamhid. Bon, je pense que c'est important. Et comme je vous l'ai dit, attention, d'accord. Dans ce livre-là, je vous poserai des questions. Donc, essayez de temps en temps de marquer ce que vous pouvez marquer, ce que vous enregistrez, Inch'Allah ta'ala. D'accord. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Le cours sera demain, parce que en fait, on a rattrapé aujourd'hui le cours de jeudi. J'ai pas pu le faire. Donc, on fera le cours demain, Inch'Allah ta'ala. Pareil, à peu près à la même heure, aux alentours de 21h. بارك الله فيكم جزاكم الله خير اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وخذل من خذل الدين، وانصر من نصر الدين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك بمن يعذبونهم، اللهم عليك بمن يعذبونهم. آمين آمين آمين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Je vous dis à demain, Inch'Allah, ou Ta'ala, à 21h-21h30. Et comme je vous l'ai dit, Inch'Allah, dès qu'on va commencer le premier chapitre, je vais vous poser quelques questions sur cette introduction, de voir qu'est-ce qu'il vous reste, afin que, quelque part, je vais un peu forcer pour que vous preniez ou que vous ayez quelques notions, Inch'Allah. D'accord ? Donc je vous dis à demain, Inch'Allah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.